vivre en fonction de la vibration plutôt que de l'intellect. Vivre en fonction de la vibration, c'est très difficile parce qu'on ne vit pas en fonction de la logique de l'intellect. On ne vit pas en fonction de référents extérieurs à soi non plus. Donc, moi, par exemple, il y a quelques jours, eh bien, j'ai discuté avec quelqu'un tard en soirée et je me suis couché un petit peu plus tard que d'habitude. Et puis, le lendemain, je me suis réveillé un petit peu plus fatigué que d'habitude. Et puis, pour compenser, j'ai analysé intellectuellement, logiquement, que pourvu que je m'étais couché plus tard qu'habituellement, ça serait peut-être bon de me coucher un peu plus tôt qu'à l'habitude, mais j'ai pas écouté mon corps en agissant ici. J'ai pas suivi sa vibration, ce qui a fait en sorte que je me suis couché plus tôt. Et puis, j'ai tourné dans mon lit là, plusieurs fois et j'ai eu de la difficulté à dormir. J'ai presque pas dormi. Donc, le corps a sa propre logique et c'est pas parce qu'à un moment donné, on se couche plus tard que nécessairement le lendemain qu'il faut se coucher plus tôt pour compenser. Suivre la vibration, c'est difficile parce que ça nous amène à vivre en fonction d'un rythme qui est au-delà de notre intellect, notre capacité de réfléchir, d'analyser. Suivre la vibration, c'est difficile parce que notre société ne fonctionne pas en fonction de la vibration. Quand on regarde la société qui est structurée avec des horaires de travail de 9 à 5, bien, les horaires de travail de 9 à 5, ça ne respecte pas nécessairement le rythme individuel de la personne, parce que quelqu'un peut être extrêmement créatif le matin, une autre personne est plus créatif le soir. Donc, d'amener quelqu'un de travailler de 9h le matin jusqu'à 17h, 5h le soir, c'est pas nécessairement ce que le plus intelligent, dans le sens que la personne n'est pas nécessairement créative et productive spécifiquement dans cette plage horaire. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont réalisé ça, qui l'ont compris, et qu'il y a des horaires de travail variables. La réalité est simple, la réalité est vibratoire et les formes qui servent à la désigner sont transitoires. Quand on comprend ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mystère. Et puis la vibration peut amener à faire des mouvements particuliers. L'autre fois, j'étais en dessous d'un toit et il pleuvait un peu. Et puis ça m'a dit d'aller marcher. J'étais marché. Et au lieu de marcher comme à l'habitude de la gauche vers la droite, en faisant le tour de rue d'une manière rectangulaire pour en revenir par la suite à mon point de départ, ça m'a dit d'aller dans l'autre sens. Et j'ai suivi ces deux indications, donc aller marcher même s'il pleuvait et marcher dans la direction opposée à celle habituelle. Et ça m'a donné l'occasion de rencontrer une personne de manière imprévue. Donc, je ne m'attendais pas à rencontrer une personne sur la rue. Et puis, ça a été l'occasion, en suivant cette vibration-là, de rencontrer cette personne. Et si je n'aurais pas suivi la vibration qui m'a amené à faire ce mouvement-là, je n'aurais pas rencontré cette personne-là que je connaissais et à laquelle j'avais quelque chose de significatif à dire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la vibration, il y a des entités qui vont guider des individus, un peu comme si on était dans un scénario de jeu vidéo. Et puis, il y avait des gens qui étaient guidés à distance. Donc, on peut voir les entités qui administrent la civilisation, les êtres humains qui résident sur Terre, comme des gens qui vont regarder des êtres humains sur un écran de télévision, un écran d'ordinateur, et qui vont voir des petits points lumineux qui vont identifier chaque individu. Et selon la fréquence vibratoire qui se dégage d'un individu, selon sa signature vibratoire, parce que chaque personne a une signature vibratoire individuelle en relation avec la couleur de son énergie, bien, il va y avoir des déplacements. Et ça va apparaître sur leur tableau de bord, un peu comme des gens qui travaillent à coordonner les mouvements des avions dans le ciel à la tour de contrôle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de collision et s'assurer que les déplacements qui s'opèrent dans le ciel se fassent d'une manière harmonieuse. Et les entités du plan mental travaillent avec ce type de principe. Par contre, il y a des entités du plan astral qui vont chercher aussi à influencer des individus avec des principes différents. Et c'est cette divergence entre les influences astrales et mentales qui, dans une certaine mesure, vont expliquer le chaos qui vit sur Terre. Donc, autrement dit, s'il y a seulement des gens à la tour de contrôle qui servent à diriger d'une manière cohérente et harmonieuse les transports aériens, il n'y aura pas de collision entre des avions, il n'y aura pas de problème. Par contre, s'il y a deux tours de contrôle avec des agendas différents, donc une astrale et l'autre mentale, qui cherchent à coordonner les activités, et c'est là que les problèmes peuvent survenir. Parce que il y en a une qui a des intérêts pour amener une personne à agir d'une certaine façon, et une autre des intérêts divergents pour que la personne n'agisse pas de cette façon. Et là, c'est de voir c'est laquelle des deux tours de contrôle qui va avoir plus d'influence sur l'individu dans ses mouvements, dans sa vie. Présentement, sur Terre, nous sommes dans une situation où ce que les êtres humains vont vivre, des influences qui proviennent du plan astral et mental, et les êtres humains sont confrontés à ces deux types d'influences divergentes qui amènent des trajectoires d'existence qui sont complètement là, en désharmonie, là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à ces forces-là qui sont en opposition au niveau psychique, au niveau énergétique. Et puis, l'une des choses qui se rapporte à la capacité de suivre la vibration, c'est d'être capable de la parler non pas en fonction des mots, mais en fonction tout simplement des idées qui émergent, sans savoir trop ce que ça nous mène, parce que si on réfléchit pour savoir tout de suite quel est l'aboutissement d'un mouvement, bien à ce moment-là, on n'est pas dans la captation du mouvement effectué. Donc, on va astraliser le mouvement par le poids de la réflexion. Donc, si j'avais sorti à l'extérieur et je m'avais posé la question, à quoi ça sert de marcher alors qu'il pleut? Peut-être que je n'aurais pas marché, pour reprendre l'anecdote de tantôt que je racontais. Et peut-être que je n'aurais pas rencontré la personne que j'ai rencontrée. Donc, si on est trop dans la réflexion, l'analyse paralyse, ça empêche le mouvement. Si on est dans le suivi de la vibration, on va opérer un mouvement qui, naturellement, va participer à un agenda en relation avec le plan mental. Parce que là, quand je parle de vibration depuis le début, c'est toujours en relation avec une vibration qui donne de la vitalité, de l'énergie, qui est en lien avec le plan mental. Et l'agenda du plan mental, c'est de faire évoluer les êtres humains, alors que l'agenda du plan astral, c'est de les garder sous son influence, sous son contrôle, ce qui est extrêmement différent. Le plan astral cherche à conserver le pouvoir pour le pouvoir, parce que ça lui donne une emprise, alors que le plan mental cherche à amener les êtres humains à rehausser leur taux d'énergie, alors que le plan astral cherche à maintenir et à retarder le plus longtemps possible l'élévation du niveau d'énergie des êtres humains, ce qui est extrêmement différent. Pour être libre des attaches et suivre la vibration, il faut être capable de faire des choses qui divergent de notre comportement mécanique qu'on peut avoir dans notre quotidien. Et c'est de fonctionner au-delà de la réflexion, et c'est très difficile. Parce que par rapport à quelque chose, je vous donne un exemple concret. Récemment, je me posais la question, est-ce que de manger du sushi, c'est une bonne chose pour la santé? Parce qu'après tout, il y a des articles sur Internet qui disent que quelqu'un qui mange du thon, qui est utilisé pour la réalisation de sommets japonais, ça peut occasionner on peut attraper des bactéries, vu que c'est de la viande crue, comme la salmonelle. Et puis, regardant ça, ben c'est sûr que si je vibre à la peur, je peux avoir le goût de m'informer en détail. Donc, je peux aller sur des sites Internet, aller chercher de l'information en lien avec ça, me remplir le coco, la tête d'informations. Et en faisant ça, je nourris l'intellect, je nourris l'astralité en moi, une compulsion de l'âme à chercher de l'information pour me sécuriser. Et je me sens pas bien. Au niveau vibratoire, si je pose la question, est-ce que de manger du sushi peut comporter des risques pour la santé? Oui. Oui, ça se peut dans certains cas. Puis au niveau vibratoire, la façon de procéder, c'est très simple. Si un samedi soir, j'ai le goût de manger du sushi, je peux poser la question au plan mental, est-ce que de manger du sushi présentement, est-ce que c'est de mes affaires? Puis là, la vibration va me répondre oui ou non. C'est tout simple. C'est tout simplement ça que je peux utiliser pour guider mon action. Au lieu de me ruer sur Internet et de lire des articles à pu finir, parce qu'il y a un site qui va dire quelque chose, il y a un autre site Internet qui va dire d'autres choses, il y a des chercheurs qui disent ceci, il y a d'autres chercheurs qui disent cela, donc ça finit plus. Sur Internet, il y a beaucoup d'informations, il y a une surinformation qui peut me garder dans une dynamique d'accumuler des données, accumulées en vue de prendre une décision. Mais la quantité tellement grande d'informations qui est là peut faire en sorte qu'on peut passer une vie, une existence, à se spécialiser dans l'étude d'un sujet extrêmement pointu, parce que l'information est en grande quantité. Et c'est là qu'il faut être capable de reconnaître les limites de l'intellect, parce que l'intellect, si il cherche à s'appuyer sur des formes pour avoir accès à la réalité, c'est une illusion, parce que les formes, en s'accumulant, peuvent tendre à se rapprocher de la réalité, mais ne permettent pas de la cerner autant qu'on peut la cerner ou la capter avec l'esprit. Donc, autrement dit, je peux passer le reste de mes journées à me renseigner à savoir dans quelle mesure c'est néfaste pour la santé de manger du sushi, ou je peux tout simplement tasser cette recherche compulsive d'informations qui me garde dans l'intellect. Tout simplement manger du sushi lorsque je ressens que j'ai à manger du sushi et de ne pas manger du sushi au moment où ce que je ressens que je dois pas manger du sushi, aussi simple que ça. C'est la même chose pour les autres aliments. Donc, c'est une autre façon de vivre avec la vibration et c'est une façon qui peut être insécurisante pour l'ego qui va chercher de l'appui à travers des articles scientifiques sur l'alimentation, pour savoir quoi faire. Mais l'individu qui doit déterminer par lui-même quoi faire sans s'appuyer sur des formes, sur des béquilles d'informations qui sont à l'extérieur de lui et que la personne doit trancher par elle-même, c'est extrêmement difficile parce que on peut se faire prendre à vibrer l'insécurité en disant est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Et si on embarque dans ces jeux-là, on peut passer une grande quantité de temps qu'on va gaspiller à réfléchir sur est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça. Et c'est là que l'ego doit être capable de trancher dans l'affirmation et de poser la question avec autorité à l'esprit sur ce qui est réel par rapport au sushi. Puis quand il y a la vibration qu'il y a à manger ou pas, puis il le perçoit avec clarté, puis pour ça, bien, il faut qu'il s'élève en vibration, il faut qu'il rehausse son taux vibratoire pour être capable d'aller chercher l'information avec précision sur le plan mental. Puis quand l'information y agit, c'est tout simple. La vie d'être humain, éventuellement, est appelée à être vécue en fonction de vibrations plutôt que d'accumulation d'informations. C'est sûr que présentement, au moment où ce que sont prononcées ces paroles au micro, beaucoup de gens sont fascinés par Internet parce que c'est nouveau. On a passé des siècles sur Terre à vivre dans une situation de carence de savoir, de pauvreté intellectuelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Et là, tranquillement, les vannes se ouvrent. On a accès à beaucoup de choses sur Internet, mais c'est pas parce qu'on a accès à beaucoup de choses sur Internet que ça nous permet pour autant d'être bien dans notre peau, d'être libre dans le mental. Parce que si toutes ces informations-là, on cherche à les emmagasiner, à les accumuler, bien à ce moment-là, on nourrit beaucoup de mémoire. Puis plus qu'on est dans les mémoires, moins on est dans la fluidité de l'être. Donc, autrement dit, une mémoire qu'on cherche à s'agripper après, à s'attacher à cette mémoire-là, lorsqu'on fait ça, eh bien, on est un petit peu comme quelqu'un qui cherche à bâtir les murs de sa propre prison, parce que l'accumulation de mémoire alourdit notre aura, notre structure énergétique, et plus que notre aura est alourdie, moins de l'énergie peut circuler dedans, et on perd cette capacité de renouvellement psychique qu'a le jeune enfant, qui a une facilité à intégrer de nouvelles idées, de nouvelles informations, parce qu'il n'y a pas accès à des mémoires de vie antérieure et il n'y a pas de mémoire précédente auxquelles il a accès en général directement lorsqu'il est dans sa période d'enfance, ce qui fait que c'est facile d'intégrer parce qu'il n'y a pas d'autres mémoires qui s'opposent aux nouvelles informations qui sont présentées à lui. Donc, comme il n'y a pas d'opposition entre une information qui se rapporte à un passé, il y a une vie antérieure, puis il y a une nouvelle existence. La nouvelle existence s'intègre facilement. Donc, à ce moment-là, c'est intelligent que les êtres humains n'aient pas accès à des informations des vies antérieures, parce que sans ça, ces informations-là pourraient faire interférence aux nouvelles informations qu'ils peuvent intégrer dans l'existence présente, et ça les empêcherait ou les retarderait dans leur évolution. Bien sûr, certains êtres humains peuvent avoir accès à des bribes, à certaines informations en lien avec des vies antérieures. Dans certains cas, ça peut avoir une certaine utilité, c'est en relation avec certaines capacités. Mais en général, un être humain ne devrait pas fonctionner en fonction de vie antérieure et de mémoire du passé, parce que ça garde l'être humain dans une dynamique d'âme qui fonctionne avec de la sagesse, donc avec une accumulation de données pour chercher à avoir de l'autorité, de l'intelligence. Alors que, éventuellement, l'être humain doit fonctionner avec un mental vide pour être optimal, un peu comme un ordinateur. Plus qu'il y a de données qui s'accumule sur un ordinateur, plus qu'il va fonctionner au ralenti, plus que l'ordinateur va avoir une quantité de mémoire vive qui va être moindre, donc qui va être capable de moins faire d'opérations d'une manière simultanée à mesure que la quantité de mémoire des logiciels qu'il y a dessus augmente. Et éventuellement, ça le paralyse et il fonctionne de plus en plus au ralenti, puis devient incapable ou difficilement capable à ce moment-là, d'absorber de l'information provenant d'Internet, ce qui fait en sorte que l'ordinateur qui est vieilli a de la difficulté à écouter des vidéos qui vont provenir d'Internet, parce que toutes les mémoires qui sont accumulées dessus, tous les logiciels, tous les programmes, toutes les programmations vont le ralentir dans son fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle l'être humain ne doit pas être un ordinateur. L'être humain doit rester léger dans le mental à l'âge de 60 ans, autant qu'il pouvait l'être à l'âge de 2 ans, c'est-à-dire vivre sans préjugés, sans forme préconçue, puis avoir une capacité toujours présente de jeter un regard nouveau sur la vie. Donc, les jeunes qui émergent dans une génération donnée vont développer cette capacité-là d'avoir un regard nouveau. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'à mesure qu'ils avancent en âge et à mesure qu'ils accumulent des mémoires, et leur capacité de renouvellement diminue. Et si la capacité d'un être humain de renouvellement psychique diminue, la personne a tendance à se figer avec des mémoires, donc elle perd en fluidité, moins elle peut laisser circuler fluidement l'énergie à travers elle, plus elle s'expose à de la rigidité, plus elle s'expose éventuellement à de la maladie, parce que dans un corps, si il y a trop de blocage à la libre circulation de l'énergie, éventuellement le corps ne fonctionne plus, c'est un petit peu comme des artères. Si dans des artères, il y a des caillots sanguins qui s'accumulent, ben, éventuellement, le sang circule mal ou difficilement. La personne peut développer des problèmes cardiaques. Puis là, il faut éventuellement lui déboucher une artère cardiaque. Et c'est la même chose au niveau psychique. Si la personne accumule des mémoires, puis des mémoires, elle va donner à la tête pleine de mémoires, puis il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus de possibilité d'intégrer de la nouveauté. Donc, la personne est plafonnée dans son évolution. Donc, ça, c'est un scénario qui arrive lorsque la personne vit trop en fonction de la forme. Et pour pas vivre ça et être bien, c'est de vivre en fonction de la vibration. Mais c'est pas facile parce que toute la société est organisée avec de la forme, de la structure. Et vivre avec la vibration au niveau de la gestion quotidienne, c'est manger quand on a le goût de manger, que ce soit à 5 heures le matin ou à 5 heures le soir. Mais ça peut être aussi à 4 heures l'après-midi, ça peut être à 3 heures l'après-midi, tout dépendant. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de structure. C'est pas géré par l'intellect. Quelqu'un qui vit avec l'intellect va manger sur l'heure du midi, à l'heure du midi pour le dîner, et le souper peut-être à 6 heures au Québec, peut-être à 8 heures en Europe, mais le point, c'est que quelqu'un qui vit en fonction de l'intellect, il peut vivre de cette manière-là pour se sécuriser, pour se donner une structure, en vue d'amener son ego à avoir un certain sentiment d'être en puissance, en étant sécurisé, en ayant une impression de contrôle par la structure. Mais lorsque l'ego est capable de fonctionner sans ce besoin de se sentir sécurisé par la structure, ben à ce moment-là, il fonctionne avec la vibration. Et c'est un fonctionnement qui va faire en sorte qu'à un moment donné, quelqu'un peut se lever à 3 heures le matin pour manger. À un autre moment donné, c'est 6 heures d'après-midi. Ça va être vraiment en fonction de lui. Et si on lui pose la question, demain, à quelle heure vas-tu manger? La personne peut lui répondre, ben, je ne sais pas. Parce qu'elle ne sait pas encore à quel moment qu'avoir la vibration de manger. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose qui ne se calcule pas. C'est quelque chose qui ne se prévoit pas intellectuellement. Et la vibration fluctue tout le temps pour s'ajuster en fonction de ce que l'individu a à vivre. Quelqu'un peut consulter quelqu'un qui fait du coaching, qui fait de la thérapie, qui fait de la relation d'aide pour une consultation. Et si la personne qu'elle consulte travaille avec la vibration, ça se peut que la personne avec son intellect qui consulte va dire, cédule-moi un autre rendez-vous dans un mois. Jour pour jour avec aujourd'hui pour avoir une certaine continuité en fonction d'un horaire qui est comme logique, là, un rendez-vous par mois à peu près à la même date. Et l'autre personne qui travaille avec la vibration va dire non, j'ai la vibration de te voir dans 3 mois. Donc, si la personne est très dans son intellect puis est influencée par la peur que ça soit trop long, le délai ou peu importe, si elle vit les motifs. Oui, et fâché dans son ego qu'on lui propose un rendez-vous qui ne répond pas à son désir, bien, elle peut questionner ça. Elle peut vibrer à de l'astral, à de l'insécurité. Mais si la personne est stable dans le mental, et si lorsque l'autre personne capte une vibration qui lui dit le rendez-vous va dans 3 mois, puis simultanément la personne qui consulte perçoit ça dans sa sensibilité, il n'y a pas de problème. Les deux se coordonnent. Et les deux vont travailler en fonction de l'agenda mental, qui n'est pas un agenda en fonction de la peur ou du désir de l'ego d'aller chercher une stabilité d'horaire, mais c'est en fonction d'un agenda lié à l'esprit et en fonction d'un agenda qui est en relation avec l'intégration optimale pour l'individu de l'énergie. Donc, si, par exemple, durant l'été, la personne a une plus grande capacité d'intégrer de l'énergie qu'à l'hiver, à ce moment-là, c'est plus propice qu'elle consulte l'été en vue de connaître des réajustements dans sa vie et d'agir en fonction de la vibration qui va être canalisée par le consultant pour réajuster sa structure énergétique, étant donné qu'elle va être capable d'encaisser les chocs, d'encaisser les remises en question et d'avoir la puissance de se mettre en action de par sa volonté pour agir en conséquence des idées intelligentes qui vont lui être proposées durant la consultation. Et ça, c'est l'esprit qu'il sait quand que sa contrepartie terrestre va être la plus réceptive et optimale pour intégrer une vibration qui va être canalisée par une autre personne en interface en vue de l'ajuster et d'augmenter son taux vibratoire. Parce que l'esprit et les esprits de chaque individu, parce que chaque être humain est lié à un esprit dans l'invisible en relation avec le plan mental, vont travailler en concertation pour favoriser l'évolution des êtres humains sur Terre au fil du temps et de toujours hausser le taux vibratoire et de faire ça avec une certaine efficacité. Et l'ego, ce qui est difficile pour lui, c'est d'accepter que ce n'est pas lui qui pense, la pensée n'origine pas de lui et ce n'est pas lui qui décide non plus de sa vie. Dans le sens que la vie est orchestrée par des forces, soit par des forces astrales qui vont le faire vibrer à la peur, l'angoisse, l'insécurité et qui peuvent l'empêcher de bouger ou l'amener à se sous-estimer ou même à se surestimer en nourrissant un orgueil démesuré pour se croire tout-puissant. Donc, les forces astrales ont tendance à polariser le rapport qu'a l'ego par rapport à lui-même, dans le sens que les forces astrales peuvent amener un ego à se sentir supérieur ou inférieur par rapport à ce qu'il est réellement, au lieu qu'il ait une perception objective de ses capacités qui serait en relation avec une capacité de se voir avec une certaine transparence qui est en relation avec l'intégration de l'énergie de l'esprit, ce qui est vraiment pas pareil. Donc, il y a d'un côté des forces astrales qui vont polariser l'individu pour l'amener à vibrer émotivement, parce que si la personne se surévalue, eh bien, à ce moment-là, il vibre à l'orgueil, une certaine fierté. Et ceci se désévalue, il va vivre une certaine tristesse, il peut vivre une certaine timidité, une certaine gêne. Donc, c'est pas pareil. Et ça, c'est le jeu de l'astral, polariser l'individu pour tirer profit du fait qu'il va ressentir des émotions. Et à chaque fois qu'il ressent des émotions, il nourrit l'égrégore d'énergie astrale, ce champ d'énergie en périphérie de la Terre, pour qu'il devienne de plus en plus grand. Donc, les êtres du plan astral sont un petit peu comme les représentants d'une multinationale qui cherche à faire de plus en plus de profits et d'augmenter de plus en plus leur pouvoir au fil du temps, en amenant de plus en plus les consommateurs à dilapider leurs ressources financières à son profit, donc à s'enrichir au détriment de certains clients, en amenant des stratagèmes de publicité qui poussent de plus en plus à consommer d'une manière de plus en plus compulsive, de plus en plus forte. Et ça, c'est les dérapages en relation avec le plan astral ou la surconsommation qu'on peut voir sur Terre, qui vont amener une très grande quantité de personnes à vibrer émotivement et à nourrir de leurs énergies émotives les entités astrales qui se sentent vivants et alimentées par ces énergies émotionnelles. Alors que le plan mental, son agenda est différent. C'est d'amener l'évolution de l'individu, passant par un rehaussement de son taux vibratoire. Et puis l'agenda mental, c'est un agenda qui est difficile à comprendre pour l'ego qui se réfléchit parce qu'il n'est pas capable de le voir avec clarté. Plus l'individu est influencé par de l'astral, moins il peut voir clair parce que son ego n'est pas transparent, il est orgueilleux. Donc moins il peut comprendre le plan mental. Donc plus que l'individu est sous influence astrale, moins il comprend le plan mental et moins il peut agir d'une manière concordante avec le plan mental parce qu'il perçoit difficilement cette lumière dans le brouillard de l'astralité de son existence. Donc, plus que l'astral est opaque, moins il peut voir avec clarté la lumière de l'esprit qui pourrait donner une direction intelligente à sa vie. Donc, le plan astral est un petit peu comme l'océan qui va se mettre à faire des vagues. Et plus il y a de vagues, plus le sable est en suspension dans l'eau. Quand j'étais plus jeune, j'avais été à Larcher Beach, aux États-Unis, dans l'État du Maine. Et lorsque j'allais me baigner, et il y avait des vagues par des journées où ce que le vent était quand même très présent, eh bien, l'eau était remplie de sable. À chaque fois qu'il y avait une vague, il y avait du sable en suspension dans l'eau, ce qui faisait que je ne pouvais pas voir avec clarté le fond de l'eau. Et à ce moment-là, c'était pas clair pour moi qu'est-ce qui se passait dans le fond de l'eau. Et par rapport à l'esprit, c'est le même phénomène, c'est-à-dire que l'esprit, c'est une énergie qui est plus subtil que l'énergie astrale. L'énergie astrale est quand même assez facilement perceptible parce que les émotions, lorsqu'on vit ça va occulter la perception vibratoire. Puis pour pas savoir l'énergie, il faut un mental qui est stable. Donc, si notre mental n'est pas stable, ben à ce moment-là, on vibre émotivement, un peu comme quand on perçoit des vagues, ce qui fait qu'on ne voit pas le fond de l'eau qui est derrière les vagues. Donc, qui est derrière les motifs. Donc, si l'émotionnel est stable, donc si l'océan est stable, bien à ce moment-là, puis il n'y a pas de vague, on va voir le fond de l'océan. Et si on voit le fond de l'océan avec clarté, bien on va être conscient de qu'est-ce qui provient du plan mental. Donc, si on est capable de percevoir notre être en profondeur, plutôt que la superficialité de notre être qui va vibrer émotivement en surface, donc, si on est capable d'atteindre la paix des profondeurs qui est imperturbable par les fluctuations de forme à la surface, bien à ce moment-là, on n'est plus influençable par le plan astral, on n'est plus polarisé dans notre perception de l'énergie. Et là, whoop, on perçoit l'énergie avec une aussi grande clarté qu'on peut percevoir le fond de l'océan alors qu'il n'y a pas de vagues sur l'océan. Donc, c'est tout aussi simple que ça. Et lorsqu'on a cette stabilité mentale, ben, il devient facile de suivre la vibration dans le quotidien. L'une des particularités de la vibration, c'est que ça peut amener un mouvement dans une direction pour certaines personnes et dans une autre direction pour d'autres personnes. La vibration peut amener une certaine personne à faire plus d'activités physiques et d'autres personnes à faire moins d'activités physiques. La vibration peut créer un scénario de vie dans lequel la personne va recevoir du plan mental l'information que dans son cas, elle doit arrêter de fumer, elle doit manger plus de légumes, elle doit faire plus de sport, alors qu'une autre personne, selon son agenda individuel qui est différent, ça va dire dans la tête, il n'y a pas de problème si tu fumes la cigarette, il n'y a pas de problème si tu manges sucré. Donc, tout dépendant de ce que la personne a à vivre et son agenda, et qu'est-ce qui va lui faire plus évoluer, ben, dans certains cas, ça peut être approprié de suivre des règles alimentaires, des règles de vie et d'hygiène de vie, justement, qui sont très strictes, tandis que d'autres cas, ce n'est pas du tout le cas. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les règles qui visent à faire évoluer un individu ou l'encadrer dans son comportement proviennent de structures sociales, de croyances, de valeurs, donc du plan astral, c'est des règles qui ne sont pas nécessairement totalement ajustées à l'individu parce que ça ne vient pas de sa source. Ce n'est pas des règles générées d'une manière individuelle par rapport à sa contrepartie cosmique, c'est-à-dire lui-même, en vue de le faire évoluer. Donc, dans certains cas, manger de manière végétarienne, ça peut être approprié pour certaines personnes. Dans d'autres cas, non, ça dépend. Et ça, c'est extrêmement frustrant pour beaucoup de gens qui commencent à toucher à la vibration mentale, qui ont été habitués pendant des décennies, voire plusieurs existences, à vivre en fonction de règles prédéfinies par la société, par l'éducation, le système éducatif. Donc, c'est extrêmement dur et c'est extrêmement contrariant pour un ego qui est habitué tout le temps de s'appuyer sur des référents extérieurs à lui pour savoir quoi faire dans sa vie. À ce moment-là, ça peut être difficile à gérer au début, mais avec le temps, la personne peut tout simplement fonctionner avec le principe que si j'ai faim, je mange. Si j'ai le goût de parler au micro, j'ouvre le micro puis je me mets à parler dedans. Puis j'ai plus le goût de manger, je mange pas, ou j'arrête de manger. Si j'ai plus le goût de parler au micro, j'arrête. Mais le plus de goût doit provenir du plan mental et non pas d'un désir subjectif de l'ego, parce que sans ça, la personne se réfléchit. Si elle prend la parole au micro en fonction d'un désir émotionnel, de se sentir importante, de devenir populaire, ben à ce moment-là, le mouvement qui est exprimé par sa parole va être teinté d'orgueil, ce qui va faire que ça va abaisser la qualité vibratoire de l'enregistrement. Alors que si la personne parle au micro, parce que c'est l'esprit qui lui dit dans sa tête de parler, et que la personne n'a pas peur de passer pour quelqu'un d'étrange, parce qu'après tout, l'existence de l'esprit n'est pas, c'est-à-dire, reconnue officiellement par la science cartésienne, la science qui est véhiculée dans les institutions scolaires, si la personne est capable, au-delà de la reconnaissance sociale, ben, il n'y a pas de problème pour elle de parler. Puis aussi, il n'y a pas de problème pour elle d'arrêter. Il n'y a pas de problème pour elle de commencer à fumer. Il n'y a pas de problème pour elle d'arrêter de fumer. Si la personne agit en harmonie avec son être, eh bien, elle est capable de fonctionner en fonction de paramètres individualisés qui n'ont pas rapport avec les modes sociaux ou les croyances de la société en général. Donc, pendant une période, par exemple, il était populaire de véhiculer la croyance que la femme doit allaiter les enfants. Une autre période, non. L'allaitement naturel était découragé. Puis là, oups, ah, d'allaiter les enfants, c'est une bonne chose. Donc, on en revient au point de départ. Donc, la société fluctue, a fait des observations. Et puis, à un moment donné, des spécialistes qui vont dire quelque chose dans une direction. À un moment donné, d'autres spécialistes qui vont dire des choses dans une autre direction. Et si l'individu ne fonctionne pas en fonction de sa source, il va tout le temps fonctionner en fonction d'autrui, puis il ne sera jamais en harmonie avec lui-même. Vivre selon une vibration peut être perçu par quelqu'un qui n'expérimente pas ça comme étant un comportement anarchique de sa part, un manque de structure, un manque de discipline personnelle. Donc, quelqu'un qui est très structuré, qui regarde quelqu'un d'autre qui fonctionne en fonction de la vibration, de l'extérieur, Ça peut être perçu comme quelqu'un qui manque de cohérence. Alors que si l'autre personne se mettait à vivre avec la vibration et percevait que, ouais, à tel moment, telle personne a décidé de manger de la pizza, puis, ouais, j'ai la vibration que c'est vrai qu'il a mangé de la pizza, que c'est réel, que je sens que c'est ce qu'il y a à faire, donc il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'esprit peut amener quelqu'un à faire un mouvement parce que c'est un prétexte pour une rencontre ou quelque chose d'autre. Quelqu'un peut avoir la vibration d'aller au restaurant pour manger une pizza, mais en réalité, c'est parce que l'esprit veut amener cette personne-là à aller à cet endroit donné parce qu'il sait très bien qu'il va rencontrer à ce moment-là une autre personne et que la conversation qu'ils vont avoir entre eux va participer à un ajustement vibratoire entre les deux. Donc, autrement dit, l'esprit n'est pas nécessairement intéressé particulièrement par la pizza. D'ailleurs, un esprit, ça n'a pas de corps physique, ça ne mange pas de pizza, mais est plutôt intéressé à amener une personne A à discuter avec une personne B, parce qu'à ce moment-là, ça va favoriser un échange d'énergie à travers la communication qui peut amener un ajustement vibratoire à la personne A et B qui va rehausser mutuellement le taux vibratoire de ces deux individus en vue que ces gens évoluent dans leur existence. Donc, c'est de voir que la question de s'alimenter peut être un prétexte pour d'autres choses, au même titre que n'importe quelle chose, parce que l'esprit a des agendas qui visent plusieurs individus, et c'est pour ça que certaines personnes qui vont se rencontrer à certains moments donnés de leur vie, et pendant d'autres moments, ben, ces gens-là vont vivre la solitude. Ça varie, c'est du cas par cas. Et c'est ça la grande difficulté de fonctionner avec la vibration. C'est d'être capable d'accepter son rythme individuel, même si les gens de son environnement ne comprennent pas nécessairement ce fonctionnement ou réceptifs à celui-ci, parce qu'ils ne perçoivent pas la vibration et n'ont pas nécessairement développé cette sensibilité à percevoir l'esprit, mais ça leur appartient. Et celui qui perçoit l'esprit n'a pas non plus à leur imposer son rythme personnel, ce qui fait qu'il doit respecter leur individualité tout en respectant sa propre individualité pour être capable de continuer d'évoluer à son rythme.